les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Séraphin Lompion. Bientôt Topolino, Alfredo, quelques personnages nouveaux sont apparus dans les aventures de Tintin, plus précisément dans l'album L'affaire Tournesol et donc dans le feuilleton adapté de l'œuvre d'Hergé. Comment identifier dans la nuit les ennemis et les amis? Mais dans cette affaire Tournesol, Tintin et Haddock et Milou ont-ils des amis? En tout cas, Trifon Tournesol, lui, n'a pas de nouveaux amis, du moins parmi les bordures et les Sildaves. Ses vrais amis, évidemment, sont Tintin, Haddock et Milou, qui veillent sur le parapluie. Les épisodes sont courts, le courrier des auditeurs donne à entendre la passion, la fidélité des jeunes auditrices et des jeunes auditeurs du début des années 60 pour le feuilleton. Elles, ils, savent qui sont leurs amis et demandent des dessins signés Hergé. Voici les épisodes 9, 10, 11 et 12, diffusés pour la première fois sur France 2 régionale, les 23, 25, 28 et 30 mars 1961. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 9e épisode. Non content de vouloir enlever le professeur Tournesol, les hommes en gabardine bleu ardoise et chapeau vert ont tenté d'éliminer Tintin, Haddock et Milou, qui allaient rejoindre en Suisse le vieux savant. Heureusement, nous n'avons pas été les seuls témoins de l'accident provoqué par les bandits et à la suite duquel le taxi de nos amis s'est jeté dans le lac Léman. D'autres automobilistes se sont arrêtés. Pour l'instant, hélas, tout ce qu'on peut voir, ce sont les bulles d'air qui viennent crever à la surface de l'eau. Appelez les pompiers, vite! Oh, il y en a un qui reparaît, là! Il nage! Et là, un jeune garçon! Ils sont vivants! Par ici, venez, allez, venez! 1000 millions de tonnerres, quelle plongeon! Et le chauffeur, capitaine! Pas vu! Et Milou! Pas vu non plus! Il faut les tirer de là! Je replonge! Mais où êtes-vous? Tintin! Tintin! Ça va, jamais il n'arrivera à les sortir du taxi! Il va y rester lui aussi! J'ai réussi à ramener le chauffeur. Je regagne la berge. Mais Milou! Pas vu, capitaine. Je vais revenir. Oh, tonnerre, donc tonnerre. Oh! Regardez, là. C'est un signe qui sort Milou par la queue. Tout le monde est sauf. Bravo! Un instant plus tard, nos amis sont sur la berge, au milieu des témoins auxquels se sont joints quelques curieux. Tirer. Mais c'est pas un accident, c'est un attentat. Un attentat? Parfaitement, j'ai tout vu. Oh, les bandits, ils vous ont fait une de ces queues de poisson. Oui, ça c'est vrai, j'en ai eu l'impression. Ils auraient voulu vous flanquer dans le lac, ils s'y seraient pas pris autrement. 1000 millions de tonnerres de Brest. Ah, votre chauffeur revient, lui. Enfin. Eh bien, nous avons eu de la chance. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bu. Bon, maintenant, capitaine, il nous faut gagner Nyon au plus vite. Quelqu'un pourrait-il nous y déposer? Moi, bien volontiers, c'est mon chemin. Ah, merci beaucoup, monsieur. Auparavant, il faudrait que nous passions à la police pour donner notre identité, pour l'enquête. Je vous conduis tout de suite. Merci. Allons-y. Après avoir fait leur déclaration et s'être quelque peu séchés, nos trois amis ont repris la route de Nyon dans la voiture d'un aimable vaudois. L'accident qui a failli leur coûter la vie ne leur a guère fait perdre qu'une petite heure. Enfin, les voilà à l'entrée de Nyon. Ils viennent de s'engager dans une rue étroite. Tout à coup, dans un virage, 100 mètres devant eux, apparaît une traction avant noire. Par les moustaches de plexiglas, ce sont eux. Oh, ils sont sortis. Ils commencent à m'ennuyer sérieusement, ces petits curieux. Fonce dedans, Stéphane. Et cette fois, les rate pas. La rue est étroite, il y a un mur de chaque côté. Alors, à moins d'avoir des ailes, tu vas voir. Vas-y. C'est la Citroën qui nous a envoyés dans le lac tout à l'heure. Oh, brute, flibustier, écrageur, autodidacte. S'il n'y avait pas eu ce pylône, cette fois-ci, ils réussissaient leur coup, les bandits. Je sais pas ce qu'ils me retiennent. Oui, il va falloir se méfier et jouer serré avec ces sauvages. Vous avez raison, mais Il faut d'abord retrouver Tournesol, capitaine, c'est le plus important. Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Vite, vite! Tu as raison, Milou, vite, vite! La route de Saint-Sergue, la voilà. Le 57 bis, c'est là-bas à droite. La grille entre deux piliers que surmontent deux vases remplis de fleurs rouges. Nos amis sont bientôt, la maison est banale, mais un détail attire tout de suite l'attention de Tintin. Tous les volets sont fermés. Ah, eh bien, allons-y, capitaine, puisque personne ne répond. Bah, si jamais on trouve Tournesol là-dedans, je veux bien être pendu. Mais... Non, on verra bien. Sonnons toujours. Allons, tais-toi, Milou, ce n'est pas le moment. Tais-toi. Chut. Bah, on ne se bouscule pas pour ouvrir, par chut, ici. Chut, chut. Quoi, vous entendez quelque chose? Bah, je crois. Tenez, collez votre oreille contre la porte. Poussez-vous un peu. Hein? On dirait des coups frappés sur un tuyau, exactement, non? C'est ça, hein? Restez ici, capitaine, je vais faire le tour de la maison. Ben, soyez prudent. Ah, bien sûr. Non, pas de doute, c'est bien ça. Je me demande ce que ça veut dire. Je sonne encore une fois. Ben, si on ne répond pas à ce carillon, tonnerre, j'enfonce la porte. Ah, cette fois, ça remue là-dedans. Le propriétaire s'est enfin réveillé. Tintin, revenez, il y a quelqu'un! Ah, ben ça, par exemple! Oui, oui, c'est moi! Venez vite, capitaine, la porte de derrière était ouverte, je suis entré par là. Venez! Eh ben, Milou, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Oh, regardez! Le parapluie de Tournesol! Tonnerre, c'est vrai! Ah, bravo, Milou, tu es un as! Cette fois, capitaine, la preuve est faite. Notre ami est bienvenu ici. Vite, fouillons la maison, il y est peut-être encore. Eh, une porte à droite! Allons-y! Attention! Personne. Méfions-nous quand même. On n'y voit presque rien, les volets sont fermés. Hey, regardez sur la table. Oh, deux verres et une bouteille de vin d'Alsace. Mmh. Ah ben c'est gentil, ça. Je ne pense pas qu'on ait prévu notre visite, capitaine. J'aimerais bien savoir à qui ce vin était destiné. Eh bien, moi, je peux vous dire qui le boira. Hey, regardez ce livre à côté. Ou par exemple. Minute que je fasse la lumière. Il fait presque aussi noir qu'à l'intérieur d'un cachalot. Il y a une prise multiple à côté de la lampe. Là. Que la lumière soit. Et voilà. Alors, ce livre? C'est extraordinaire. Me permettez d'abord. Alors, c'est quoi ce bouquin-là? Regardez simplement les photos, capitaine. Mais tonnerre de Brest, c'est comme le machin... Exactement! C'est le même appareil bizarre qui se trouvait dans le laboratoire de Tournesol. Une espèce de miroir parabolique. Voilà. Quoi. Et ce bouquin passionnant est écrit par le spécialiste américain, Leslie Simon. Il est intitulé « Les recherches allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Capitaine, je crois que nous avons eu la main heureuse. Je ne l'ai pas mauvaise, en effet. C'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule du loup. Mais qu'est-ce que c'est? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nazil, l'homme au crâne rasé, Daniel Netter, la dame, avec les voix de Jacques Aveline, Pierre Laurent et Marcel Bozuffi, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Bonsoir à tous les jeunes amis de Tintin. Réponse tout de suite à ceux qui nous demandent des précisions sur le feuilleton. Mais auparavant, nous annonçons aux jeunes philatélistes l'adresse du jeune amateur de timbres de Tahiti. Ils la recevront directement et pourront correspondre avec lui en toute liberté. Et bien entendu, si d'autres auditeurs d'outre-mer désirent des correspondants de France continentale, qu'ils ne se gênent pas. Nous vous aiderons à tisser des liens amicaux par-dessus les mers et les océans. Précision à une jeune Thérèse de Paris, cette jeune auditrice nous dit sa déception en apprenant que Wolf et Baxter n'étaient pas très honnêtes. Mais vous faites erreur, Thérèse. Wolf était à la solde des ennemis de Tintin, ainsi que Jürgen Boris. Quant à M. Baxter, c'est un honnête homme, et vous avez oublié que c'était lui l'ingénieur qui dirigeait l'usine atomique de Sprodge en Sildavie. Mais oui, Baxter était resté sur la Terre. Seuls Wolf et Jürgen étaient dans la fusée avec nos amis. De toute façon, demande enregistrée, Thérèse. Bravo à Jacques Parizeau d'Anières pour sa balade à Milou. Nous la lui lirons, il appréciera très certainement. D'accord pour le dessin. À propos du dessin original exécuté par Hergé à l'intention des auditeurs de la RTF, faites vite votre demande, car nous aimerions connaître avec précision le nombre de demandes sur tant de mois afin de faire tirer ce dessin en quantité suffisante. Alors inscrivez-vous vite, mais ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde et il n'y aura pas, comme pour le concours, de date de clôture. Oui, ce dessin sera gratuit et chaque demandeur aura droit à un dessin avec son nom, son prénom et la signature d'Hergé, celle de Tintin aussi évidemment. Rassurons les auditeurs dont les noms suivent, leur demande a été enregistrée. Michel Tessier, Martine et Dominique Reynaud, Jean-Guy Dumagny, Philippe Dulieu et son papa, et merci. Remerciements aussi et excuses à Marie-Christine Gaillard et à ses parents, sans oublier Michel, Mathias et Laurence. Toutes les amitiés de Tintin et de l'équipe à la famille Gaillard de Clamart. Autre demande enregistrée, celle de Philippe Durocher d'Anières. Bernard Châtreau qui a prié sa maman d'écrire à Tintin. Merci madame. Mais non Bernard, il n'est jamais trop tard et Tintin n'oublie jamais ses amis. Sois tranquille, ta demande a été enregistrée. Toutes les amitiés de l'équipe aux parents de Bernard. Et nous terminerons ce courrier avec la longue et intéressante lettre de Jacqueline Roche. Tout d'abord bravo Jacqueline pour le dessin et merci. Elle nous fait des suggestions auxquelles nous penserons, en particulier à propos de Milou. Et Jacqueline poursuit en déplorant la mort de Jürgen et de Wolf. Cela prouve qu'elle a un bon petit cœur. Mais nous ne pouvions pas, nous, sauver ces deux malheureux. Oui, Jacqueline, le feuilleton va continuer pendant toutes les vacances de Pâques. Nous comprenons votre ennui, mais comment faire? Peut-être auriez-vous pu emprunter un transistor. De toute façon, ne craignez jamais de ressembler à Séraphin Lampion. Merci pour les bûcherons et à bientôt. Sur ce... J'allais le dire, bonnes vacances de Pâques et à tous. Au revoir. Au revoir. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 10e épisode. Haddock, Tintin et Milou sont en Suisse, dans la maison d'un certain professeur Topolino, correspondant du professeur Tournesol. Les deux savants ont dû se rencontrer, mais la maison paraît vide maintenant, et cela ne laisse pas d'inquiéter nos amis. D'autant plus qu'ils ont eux-mêmes échappé d'extrême justesse à deux attentats. Le premier a envoyé leur voiture dans le lac Léman, et c'est un miracle s'ils s'en sont sortis vivants. Quant au second, il a eu lieu à l'entrée de Nyon, et s'il n'y avait eu ce pylône qui les a protégés, ils y seraient restés. Mais dans les deux cas, les responsables sont les occupants de la mystérieuse traction avant noire qui les suit obstinément depuis leur arrivée en Suisse. Au moment où nous avons quitté nos amis, ils étaient en train de fouiller la maison vide, quand, tout à coup... Dans la gueule du loup. Non, non, non. Qui est-ce? Ne vous retournez pas, capitaine. Ah, vous allez payer cher votre imprudence. Non, non, non. Le moment de vous régler votre compte est enfin venu. Oh non, au secours, au secours. Inutile de crier, ça ne servirait à rien. Oh, c'est la radio. Vous l'avez mise en marche en branchant la lampe tout à l'heure. Ça surprend tout de même. Oui, hein. Ça j'avoue que vraiment... Voilà. Hey. Quoi, fiston? Cette cigarette, venez voir. Eh bien, quoi, cette cigarette? Et dans le cendrier sur le poste de radio. Regardez. Mais la même marque que le paquet perdu par l'inconnu masqué dans le laboratoire de Tournesol. En effet, mille sabots. Mais aucun doute, Macédonia. C'est bizarre. Il y aurait une mafia là-dessous que j'en serais pas étonné. Hé, hey, les coups qui recommencent. Et cette fois, c'est très net. Hein, vous aviez raison, ce sont des coups frappés sur les tuyaux de chauffage central, ça. Allons voir à la cave. Oh, je commence à en avoir assez de cette maison hantée, moi. Ouais, doucement. Ce doit être par là. Pas de doute, c'est l'escalier de la cave. Allons-y. Hé, cette fois, nous touchons au but, capitaine. C'est là, derrière cette porte métallique. Un homme ligoté. Eh bien, il est frais sur son tas de charbon. D'abord, lui enlever son baillon. Voilà, là. Qui êtes-vous? Qui je suis? Mais sacré bleu, le professeur Topolino. Topolino? Oui, le professeur Topolino, qu'on a assommé et jeté dans sa cave. Car je suis chez moi, ici. Ah, si jamais je le retrouve, ce sinistre tournesol. Quoi? Tournesol, un gredin? Parfaitement. Vous connaissez cette canaille? Monsieur, Tournesol est notre meilleur ami, et je ne permettrai pas. C'est votre ami. Eh bien, je vous félicite. Vous avez de jolies relations. Mais je vous dis enfin que... Et d'abord, qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? C'est avec plaisir que nous répondrons à ces deux questions, professeur. Je suis impatient d'entendre vos explications. Mais si nous faisions ça là-haut, quand... Quand quoi? Enfin, quand vous serez débarbouillé. Comment? Débarbouillé? Oh, c'est vrai. Le charbon. Oh, Santa Madonna, quelle aventure! Quelle aventure! Le professeur Topolino remonte avec nos trois amis, puis va faire un brin de toilette. Quand nous retrouvons les trois hommes, ils sont en grande conversation. Milou, lui, somnolent sous la table. Le capitaine a le front soucieux et lorgne avec insistance la bouteille dont il a déjà tout à l'heure apprécié le contenu. Bon. Je récapitule, hein? C'est jeudi dernier que les vitres, verres, vases, etc. ont commencé à voler en éclats. Et ce n'est pas drôle, croyez-moi. Imaginez que vous avez un verre en main, comme ça. Tout à coup, crac, le verre... Un instant, capitaine. Bon. Le même jour, coup de feu dans le parc. Nous découvrons un blessé qui disparaît sans laisser de traces. Mais qui avait demandé à boire avant, car il avait soif, lui aussi, très soif. Le lendemain, départ de Tournesol pour Genève. Les bris de verre cessent automatiquement. Curieux. Oui. Le lendemain, dans le laboratoire, un individu masqué nous file entre les doigts, en abandonnant, grâce à Milou, un paquet de cigarettes, et sur ce paquet, trois mots manuscrits, « Hôtel Cornavin, Genève ». Cornavin. Verre à vin. Inquiets sur le sort de notre ami, nous partons pour Genève. Mais oui, ou remarquez-le, nous n'avons même pas eu le temps de prendre un verre. Ici, on pourrait... À l'hôtel, Algarade avec un étranger. Ah, celui-là, si je le retrouve. À la sortie de Genève, une traction avant noire nous expédie dans le lac. Oh, nous y avons bu une de ces tasses. Une tasse qui ne valait pas cet excellent vin d'Alsace. Dont nous pourrions peut-être... Enfin, tout près d'ici, à l'entrée de Nyon, la même Citroën noire fonce sur nous et nous manque de justesse. Quelques minutes plus tard, nous vous découvrons, vous, dans votre cave, ligoté et bâillonné sur le tas de charbon. Voilà. Ça m'aurait donné soif, la poussière de charbon. Pas vous, non? J'y ai même pas pensé. Ah, alors tant pis. Quant à ce fameux paquet de cigarettes, voyons, où l'ai-je mis? Le voilà, tenez. Vous connaissez cette marque? Bien sûr, Macedonia. C'est la marque que fume Boris. Et qui est ce Boris? C'est mon domestique. Il fume très peu, et uniquement ces cigarettes-là. Il les fait venir directement de Bordurie. Pardon? Ce Boris est Bordure? Ben oui. Et où est-il? Il est reparti hier soir pour son pays, rappelé par un télégramme. Tiens. Oui, sa mère est tombée gravement malade. Oui. Mais dites donc, c'est du 47, votre vin blanc, là. Oui. Une fameuse année, hein? Je crois que je commence à comprendre. Mais à votre tour, professeur, s'il vous plaît. Ce vin doit être une pure merveille. Eh bien, voilà. Bon. Ils ont des yeux et ne savent pas voir. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Oh, tonnerre. Allons, capitaine. Laissez parler le professeur. Mais je ne fais que ça. Il y a un mois, j'ai reçu une première lettre de Tournesol. Il était sur le point de faire une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons. Comme je suis spécialiste en la matière, il me demandait comment c'est. Je vois. La semaine dernière, nouvelle lettre. Cette fois, il avait trouvé. Mais les conséquences de son invention l'effrayaient tellement qu'il voulait m'en parler, de toute urgence. Ceci explique certainement l'air préoccupé qu'il avait ces derniers temps. Et c'est aujourd'hui que j'avais rendez-vous avec lui. Oh, ce brave Trifon. Et je parie que vous aviez préparé cette bouteille à son intention. Précisément. Oui. Ah mais, si le cœur vous en dit, ne vous gênez pas. Oh, mais je ne voudrais pas abuser. Merci, professeur. Cet après-midi, Tournesol est arrivé plus tôt que prévu. Et nous avons commencé à bavarder. Ça devient passionnant. À un moment, je me suis baissé pour ramasser un papier. Quand je me suis relevé, Tournesol, devant moi, brandissait une matraque. Quoi? Tournesol, une matraque? Oui. Et je me suis retrouvé ligoté, bâillonné dans la cave. Oh, je comprends tout. Ah. Attendez une petite seconde. Je vais vous montrer, professeur, la photo... de votre agresseur. La voilà. Connaissez-vous cet homme? Mais c'est très faux. Alors, professeur? Non, jamais vu ce petit barbu. Très bien, ce petit barbu, professeur, c'est notre ami Tournesol. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous avez sous les yeux la photo de Trifon Tournesol. Le seul, le bon, le vrai. Oh. C'est donc pas lui qui vous a assommé, mais quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. C'est diabolique. Tout est clair maintenant. Mais alors, que faut-il faire? Nous allons étudier ça ensemble, si vous le voulez bien. À votre santé, professeur. Ces gens-là sont capables de tout. Et pour découvrir le secret de Tournesol, n'hésiterez pas. En ce moment, ils doivent être en grande discussion tous les trois. Tu es sûr que le mouvement d'horlogerie est bien réglé? Sois tranquille, dans quelques secondes, tu vas assister à un beau feu d'artifice. Jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Eh ben, dis donc, tu avais mis la bonne dose. Ouais, il en reste plus lourd de la bicoque. Nous voilà enfin débarrassés de tout le monde à la fois. Vive Plexiglas! Vive Plexiglas! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Teddy Billis Topolino, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nazil, l'homme au crâne rasé, avec la voix de Marcel Bozuffi et Milou. Chef opérateur du son Jean-Jus Fort, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production Josiane Clem, réalisation René Villemet. Bonsoir à tous de la part de Tintin. Nous espérons que ces vacances de Pâques se passent bien pour vous. Et nous ouvrons notre carton courrier. Pour répondre tout de suite à la grand-mère de Christophe Hermand, en rassurant son petit-fils, authentique fan de Tintin, nous dit-on. Nous avons bien reçu la première lettre de Christophe, mais nous ne pouvons répondre dans la semaine, ni même dans le mois qui suit. Car vos lettres s'accumulent bien vite et il nous est très difficile de suivre la cadence. D'autant moins que nous ne voulons pas trop empiéter sur le feuilleton que vous trouvez tous trop court. Alors comment faire? Sinon, pour vous tous, jeunes amis, patientez. Ceci dit, revenons à Christophe que nous remercions très vivement pour son dessin. Nous le montrerons à Tintin, c'est promis. Et très heureux, Madame Hermand, d'avoir fait de Séraphin Lampion une sorte de leçon. Une grosse bise à Christophe de la part de Tintin et de toute l'équipe. Et maintenant, encore un jeune auditeur, Guy Benito, qui arrive trop tard pour le concours de l'abominable homme des neiges. Désolé, Guy, mais tu te rattraperas certainement au prochain concours. Pour le club, sans doute devrais-tu t'adresser au journal de Tintin. Difficile, Jean Camelot de Cherbourg, d'augmenter la fréquence, et ce pour les raisons que nous avons déjà dites très souvent. Entendu pour les deux dessins d'Hergé. Ici s'arrête notre petit bulletin de nouvelles concernant Tintin. À très bientôt tous. Et toutes nos amitiés. Au revoir. Au revoir. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 11e épisode. Tintin, Haddock et Milou sont venus en Suisse pour veiller sur leur vieil ami le professeur Tournesol. Celui-ci, en effet, devait participer à un congrès de physique nucléaire, mais tout permet de penser qu'il est en danger et qu'une mafia veut lui arracher le secret de ses récentes découvertes sur les ultrasons. Quand nous avons pris congé d'eux, ils venaient de trouver le professeur Topolino, correspondant de Tournesol, ligoté et bâillonné dans sa maison de Nyon, sur les bords du lac Léman. De la discussion jaillit la lumière, dit-on, c'est vrai, et de l'entretien que nos amis eurent avec le savant sortit une certitude. Des espions ont enlevé Tournesol et veulent éliminer définitivement ceux qu'ils trouvent sur leur route. Pour cela, tous les moyens leur sont bons. Dans la maison du professeur Topolino, on ne se doute pas qu'une bombe à retardement va éclater d'une seconde à l'autre. Et, pendant qu'une mystérieuse traction avant noire s'éloigne, une explosion terrible retentit. Dans la maison du savant suisse, la bombe vient d'exploser. Heureusement, les secours sont très rapidement organisés et bientôt les pompiers et la police sont à pied d'œuvre. Circuler là, circuler, voyons. Là, apportez une civière, vite. Une main sort de décombre, vite, vite. Par ici. Voilà, courage. Doucement. Doucement. Oh. Vous êtes blessé? C'est bon, crois pas. Mais prenez garde. Laissez-nous faire. Là, oh, voilà. Comme ça, le risque à rien. Allez-y. Mais que faites-vous avec cette bouteille? Il y a eu assez de dégâts comme ça. Et elle revient de loin, c'est moi qui vous le dis. Étendons-le sur la civière. Ne vous occupez pas de moi. Nous étions trois personnes dans la maison, plus un chien. Il faut les sauver. Ici encore, là, vite. Oh, le vin du professeur Topolino est vraiment excellent. Et maintenant, je peux m'évanouir. Ah, voilà les autres. Blessés? Ah, on ne sait pas, mais en tout cas, sans connaissance. Le médecin est là? Oui, le voilà. Oh, le pauvre jeune homme. Regardez, il est tout pâle. Oh, il paraît dormir. Oh, là-bas, on vient de sortir le professeur. Oh, quel malheur, un si brave homme. Mais on sait ce qui s'est passé. J'ai entendu parler d'attentat. Et une enquête va être ouverte. Oh, regardez le petit chien blanc. Tenez, il cherche partout. Il fouille. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi un chien dans la maison. C'est peut-être celui-là. Mais tout à l'heure, il reniflait le blessé qu'on emporte. Là, le plus jeune. Oh, par exemple, il a trouvé un parapluie et le voilà qui sauve avec. Oh, bah alors. Oh, mais ne bousculez pas comme ça. Il vient d'arriver, il va être au premier rang. Oh, quel tout près. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a des victimes? Trois. Vous en êtes sûr? Ah, je ne suis pas médecin. Mais il paraissait bien mal en point. L'ambulance vient de les emmener. Oh, quel malheur tout de même. Il paraît que c'est un attentat. Non, un attentat chez nous en Suisse. Oh là là, en route, Stéphane, nous allons manquer le cas. Oui, allons-y. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et merci. Au revoir, messieurs. Ainsi donc, les deux hommes en gabardine bleue ardoise et chapeau vert sont revenus sur les lieux de leur sinistre exploit. Et personne ne les a inquiétés. Par contre, deux autres curieux ont été appréhendés. Eux aussi posaient des questions au badaud, mais ils ont eu moins de chance. Monsieur le juge? Faites entrer ces deux hommes, brigadier. Bien, monsieur le juge. Entrez, messieurs. Le voilà. C'est nous, monsieur le juge Dupont policier. Oui. Nous l'avons dit à l'interrogatoire. Oui, je sais. Mais ce costume que vous portez... Ah, il est très joli, n'est-ce pas? Oui, c'est un costume régional suisse. Vous voyez, les bas blancs, la culotte jaune serrée aux genoux. Le gilet rouge et la petite calotte. Ah oui, tout y est. Mais les cannes ne font pas partie de la panoplie. Elles sont à nous personnellement. Nos instruments de travail, en quelque sorte. Il n'y a qu'une chose qui nous gêne dans le costume. Les chaussures. Hein? Ah oui, ça? Oui, vous le voyez, monsieur le juge, elles sont cloutées et ça glisse terriblement. Terriblement. Ajoutons que nous avons emprunté ces costumes pour passer inaperçus. Incognito, quoi. Voilà. Service commandé, vous comprenez? Et je comprends, messieurs, je comprends et je vous crois. Vos déclarations d'hier soir ont été contrôlées, elles sont exactes. Ah. Je vous demande d'excuser notre méprise. Oh, monsieur le juge, bien volontiers, voyons. Tout cela ne serait pas arrivé si on ne nous avait pas volé notre carte de police. Et avec notre portefeuille. En fait... Sous notre déguisement en Suisse, nous recherchions nos amis Tintin et Haddock pour leur communiquer une nouvelle importante. À propos, comment vont-ils? Un vrai miracle. Ils s'en sont tirés avec quelques égratignures. Mais par acquis de conscience, on les a gardés en observation. Et vous les trouverez à la clinique à deux pas d'ici. Le planton vous renseignera. Parfait, merci monsieur le juge. Voilà, au revoir monsieur le juge. Au revoir messieurs. Attention, la porte, ça glisse. Tu as raison. Allez, tout doucement, hein. Et nos impayables faux suisses se présentent à la clinique voisine. C'est une jeune infirmière en costume bleu, tablier, manchette et bonnet blanc qui les reçoit. Vous venez sans doute participer à la fête folklorique. La fête folklorique? Ah oui, non, c'est-à-dire que... Oh, j'ai tout de suite compris ça, votre costume. Mais ici, c'est une clinique. L'hôtel de ville où a lieu la fête, c'est en face. Ah, vous méprenez, mademoiselle. Nous sommes des policiers dans l'exercice de leurs fonctions et nous voudrions voir messieurs Haddock et Tintin, n'est-ce pas? Oh, pardon, j'avais cru que... Non, il n'y a pas de mal. Vous voulez me suivre, c'est par là. Oui. Vous arrivez d'ailleurs à temps. Ces messieurs vont tout à fait bien et ils s'apprêtent à sortir. L'important, c'est que nous les rencontrions, n'est-ce pas? Leur chambre est au fond de ce couloir. Ah, bon, dis donc, quelle propreté dans cette clinique. C'est briqué, astiqué et par terre. Regarde, une vraie patinoire. Voilà. Oh là, Cinq minutes plus tard, les Dupont ont pris la place de Tintin et de Haddock dans leur lit. Ils ont un bras bandé ainsi que la tête et le nez. Les sortants sont à leur chevet. Mais que s'est-il passé depuis notre départ de Moulinsart? Le blessé découvert dans le parc et qui avait disparu a été retrouvé. C'est un Sildave. et il n'y a d'ailleurs rien à en tirer. Il soutient Mordicus qu'il était là par hasard. Vous vous rendez compte, hein, par hasard. Oui, par hasard. Bon, eh bien, je vous remercie. Désolé que vous ayez glissé malencontreusement. Oh, ben, ce sont les risques du métier, hein. Ce ne sera rien. Nous viendrons vous voir, mais nous devons d'abord aller à la gendarmerie. Nous n'avons même pas de temps à perdre. À tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Ah, oui, attends. Dites-vous bien que l'adversité ne nous a pas encore abattus, hein. Allez, salut. Et bon courage. On sait. Faut être tranquille. Faut être tranquille. Allez. Nous retrouvons Tintin, Haddock et Milou dans la rue. Le petit chien blanc tenant dans sa gueule le parapluie noir du professeur Tournesol. L'affaire me paraît assez claire maintenant. Eh bien, vous avez de la chance. Tout ce que je sais, moi, c'est que nous avons affaire à des sauvages. Oh, de quoi avons-nous l'air avec ces pansements sur la figure? Voilà ma version, capitaine. Je vous écoute. Tournesol a mis au point un appareil à ultrasons capable de briser les vitres à distance. Des vitres ou autres objets en verre et assimilés? Rappelez-vous mon vase de Chine. Oui, et qui sait, peut-être aussi des bâtiments entiers, des chars, des cuirassés. Bref, ce serait une arme terrible. Dans une lettre, notre ami décrit ses travaux à Topolino. Alfredo pour les dames. Ouais. La lettre tombe entre les mains du domestique de Topolino, un bordure nommé Boris. Ce bordure alerte les services secrets de son pays. Jusqu'ici, je vous suis. Bien, mais l'espionnage Sildave avance l'histoire et envoie un de ses agents à Moulinsart. Celui-ci tombe sur un rival bordure qui le blesse à coups de revolver. Oui, tout ça s'enchaîne parfaitement. Là-dessus, Tournesol arrive à Genève, nous l'y suivons, et on nous trouve gênants. Ces brutes essaient de nous éliminer. En employant les grands moyens, voilà. Maintenant, il s'agit de retrouver Tournesol. Mais où, Miltenero? À nous de le découvrir. J'aborde une cigarette allumée. Oh, il prend ma vareuse pour un cendrier, ce chauffard. Moulagouffre, bachibouzouk, citrouille. Mais c'est un CD. Oh, ça se croit tout permis parce que ça porte une plaque du corps diplomatique. Des cornichons diplômés, oui, voilà ce que vous êtes. Capitaine! Regardez la cigarette qu'ils ont jetée. Tonnerre de Brest. Toujours la même marque. Alors l'ennemi n'est pas loin. Non, il va falloir découvrir son repère. Du plaisir en perspective. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Jean Carmet et Jean Bellanger, les Dupont-Dupont, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nasil, l'homme au crâne rasé, Jean Clarence, le juge, avec les voix de Piella Sorano, Jacqueline Cantrel, Jacques Degore, Michel Puterflamme et Jacques Aveline, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem. Réalisation, René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 12e épisode. Tournesol, qui a fait une découverte sensationnelle dans le domaine des ultrasons, a été enlevé par des espions bordure. La bordurie, en effet, veut arracher aux savants le redoutable secret qui permettrait à cette nation belliqueuse de dominer le monde. L'action se situe actuellement en Suisse, où Tintin, Haddock et Milou s'acharnent, malgré 3 attentats, à retrouver la trace de leur vieil ami. Tintin et Haddock font le point de la situation en se promenant sur les bords du lac Léman. Tout à coup, une voiture appartenant au corps diplomatique les frôle et une cigarette est jetée par la fenêtre. Tintin reconnaît alors la même marque que sur le paquet abandonné par l'homme masqué, surpris il y a quelques jours dans le laboratoire de Tournesol. Vous avez raison, ce sont les mêmes, avec un bout filtrant. Ils ne vous ont certainement pas visé, mais cette maladresse de leur part va nous servir. La voiture est un CD, corps diplomatique, donc une ambassade. Vraisemblablement l'ambassade bordure. Non, je le crois aussi, oui. Bon. Eh bien, il faut savoir où elle se trouve, cette ambassade. Et ça, le premier bottin venu nous le dira. Alors, retournons à Nyon. Il faut suivre la piste quand elle est fraîche. Oh oui, oui. Voici Nyon. Le bureau de poste et nos deux amis penchés sur un annuaire. Ambassade. Ah, voilà, tenez. Ambassade, consulat, légation. Australie, Autriche, ambassade de Belgique, Bolivie, bordurie. Nous le tenons. Ambassade de bordurie, les signes, Roll. Roll, c'est à quelques kilomètres de Nyon. Parfait. Alors cet après-midi, nous irons faire un petit tour dans les parages pour reconnaître le terrain. Et cette nuit, capitaine, nous partirons en expédition. Oh, chic, chic. D'accord, fiston, mais j'ai l'impression qu'il ne faudra pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Nous verrons bien. Allez, venez, capitaine. Viens, Milou, viens. Allez. Dans l'après-midi, comme prévu, les amis de Tournesol vont reconnaître les lieux et vers 11h du soir, une barque glisse presque sans bruit sur le lac. La nuit est claire, tout est calme, reposant, ou presque. Oh, ces moustiques, il y a de quoi devenir fou. Sale bête. Tiens. Doucement, capitaine, doucement. Nous devons être plus très loin maintenant. Oh, les fichues bêtes. Heureusement que j'ai apporté du phytox. Tiens. Chut. Cette fois, capitaine, plus de bruit. Nous approchons. Voilà donc l'ambassade bordure. Ah, il ne se refuse rien, dites-donc. Quelle vue. Le parc derrière et devant cette pelouse et le lac. Mazette. Oui, nous sommes même un peu trop à découvert. Ramez bâbord. Nous nous mettrons à l'abri sous le sol pleureur. Entendu. Lâcheront pas ces maudites bestioles. Encore quelques salves, mais... Tiens, prenez ça. Là. Parce qu'ils peuvent m'aimer, ces moustiques. Vous les entendez? Non. Ah, si. Oh, mais celui-là doit être énorme. Écoutez-moi ce boucan. Ouais. Je me demande même si... Oh! Regardez un hélicoptère. Oh, mince de moustiques. Il atterrit sur la pelouse. Vite, amarrons la barque et allons voir. Hop! Restons sous le couvert. Oui, par ici, capitaine, par ici, vite! Oh, dites donc, votre Milou, il y tient au parapluie de Tournesol. Il l'a sorti des décombres après l'explosion et ne l'a pas lâché depuis. Vous savez, quand il a une idée en tête, Milou, hein? Attention, on arrive en bordure de la pelouse. En bordure de la pelouse, bordure. Chut. Regardez là-bas. Un groupe vient de sortir de l'ambassade et se dirige vers l'hélicoptère. 1, 2, 3, 4, 5 bronzeurs. Mais cet homme au centre, cette silhouette. Eh bien quoi? Mais regardez mieux, capitaine, pas d'erreur, c'est Tournesol. Tonnerre, vous avez raison. Mais ils vont l'embarquer à bord de l'hélicoptère. Oh, les sauvages, les cannibales, oh! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent du renfort? Attendez. Non, je ne crois pas, au contraire. Eh oui, les types qui viennent d'arriver essayent de délivrer Tournesol. Il faut aller leur donner un coup de main, capitaine. En avant, toutes. Oui, mais comment distinguer les bons des mauvais? Ouais, tapez sur ceux qui ont une sale tête. Oh, vous parlez d'une méthode? Alors, tapez sur ceux qui ont l'accent bordure, ce sont ceux-là qui veulent emmener Tournesol. Allons-y, capitaine, et que le droit prime la force. En avant. Bonne chance, allez, restons à chacun le sien. Allez, je vais les casser comme des springboks. Mais c'est un tel. Ah, mais je me trompe pas, c'est un tel. Oui, professeur, c'est moi, courage. Allez, petit. À toi, et voilà, donc. Allez, en avant. À l'attaque. À libre. Allez, regardez les deux vrais impasses. Allez, vas-y, avant. Là, ici. Très bon. Et donc, ah, ça, c'est pas difficile. Allez, un français, un chouette. Là. Donc une bise. La touche. Oh, dormez bien, mes agneaux. Maintenant, au suivant. Ah, le gros, là. À nous deux. Nous allons ouvrir sur trois quarts maintenant. Assieds-toi, je vais te régler ton compte cette fois, tu en sais trop. Parce que ce qu'on va voir, Matamor. Tenez bon, capitaine. Ah, oh, mais tu as un gros, là. Hop, mangez. Mais moi, j'ai une arme secrète. Et tiens. Un aérosol de DDT, les gars. Encore une prise. Hop. Et maintenant, deux clous. Crochet du droit, je te devais bien ça. Adieu. Capitaine, vite, venez, capitaine, les soldats vont mettre Tournesol. On part avec eux, vite. J'arrive. Le canot automobile là-bas, vite. Lâchez pour Tournesol. Mais c'est pas si vite. Mais pas si vite, au secours. Mon parapluie. Je veux mon parapluie, Milou. Mon parapluie. Ne vous inquiétez pas, professeur. Tous au canot, vite. Vite, capitaine. Hé, là, attendez le capitaine, vous autres. Il faut attendre le capitaine, il arrive une seconde. Vous n'avez pas un petit ennemi. Vous l'avez assommé. Oh, il l'a assommé. Ils l'ont assommé. Oh. Pardi, un inconnu. Pas chez Bouzouf. Oh, capitaine, c'est vous. Oh, quel coup sur la figure. Rien de cassé. Oh, j'espère que non. Il ne s'agit pas de moisir ici, hein. Les autres vont rappliquer en force. Oh, 1 000 millions de 1 000 tonnerres de Brest. Dépêchons-nous de nous mettre à l'abri. Allez, Milou, et n'oublie pas le parapluie, hein. Oh, mais ça va. Attention, ils redescendent vers l'embarcadère. Alors, pas hésiter, capitaine. Cap sur l'hélicoptère. L'hélicoptère. Oui, c'est ça, la pelouse. Vite, capitaine, vite. Moustache de plexiglas, de... c'est ça dans les îles d'Arves, de sont enfuis avec le savant. Et le patron va être furieux. Oh, Arnotch, vous vous êtes fait avoir comme des enfants. Mais moi, j'ai été asphyxié. Le marin barbu m'a envoyé un nuage asphyxiant. Asphyxiant. Tu expliqueras ça au chef. Oh, une idée. Il faut leur donner la chasse avec l'hélicoptère. Oh, my Arnotch, tu as raison. Allez, vite. Par les moustaches de plexiglas, l'hélicoptère s'envole. Trahison, sabotage, allons prévenir le chef, vite. Nous le rejoindrons rapidement, leur sillage est nettement visible. Oui, et bien ne descendez pas trop, je n'ai pas envie de retourner dans le lac, moi. Ah, regardez, ce sont eux, ils se dirigent vers la France. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mille sabots, un moustique s'est introduit dans cette cloche à fromage. Regardez le narguer, il s'est posé sur mon nez. Eh bien, ne le regardez pas, ça vous fait loucher. Oh, sale bête, attends un peu. Mon flitox, ah, le voilà. Ne bouge pas, je vais m'occuper de toi. Tiens. Oh, mais vous allez nous asphyxier, capitaine, enfin. Oh, peut-être, mais... je l'ai eu, l'animal. Par le sceptre d'Otokar, leur hélicoptère est à nos trousses. Vite, Vladimir, la mitrailleuse en batterie. Drape Jojo-Jean, là. Et laisse-les approcher, ces maudits bordures. Maintenant, Vladimir, tu ne peux pas les rater. Vas-y, feu. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jean Bolot Arnocht, Yves Pénaud, un inspecteur Sildave, et Henri Poirier, un bordure, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Ces épisodes, les 9e, 10e, 11e et 12e, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale les 23, 25, 28 et 30 mars 1961. À suivre et à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture, ces épisodes et les épisodes précédents.